C'est pour nous un grand privilège ce soir de nous approcher de ton trône de gloire, le trône de miséricorde et de grâce, où se tient Jéhovah Jiré, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu d'Israël, le grand Je suis éternel, qui était, qui est et que vient. Les mêmes. Nos cœurs sont confiants. Nos cœurs croient tes promesses. Nos cœurs croient ta puissance, qui est capable de toutes choses, à tout moment, en tout lieu, même à cet endroit, Seigneur. Tu as tout pouvoir d'accomplir tout ce que tu veux, de réaliser ta volonté, d'imposer ta volonté aux esprits et aux corps de chair, aux clans et aux familles, aux nations et aux quartiers, aux villes et même aux pays. Tu as le pouvoir d'imposer ta volonté. Stimule la foi de chacun pour s'élever plus haut que l'incrédulité. S'élever plus haut que les pensées négatives. S'élever plus haut que les idées d'échec. Car en toi, il n'y a que la réussite. Le succès et le progrès. Ta puissance est toute capable. Tiens notre foi sous ton contrôle. Chasse l'incrédulité de nos esprits. De chaque cœur et chaque corps. Sème la foi. La foi de Jésus-Christ. Semence d'Abraham. La foi ouinte de Christ. La foi agissante. La foi opérante. Avec ses œuvres prédestinées. Qu'elles soient reproduites dans la marche de chacun de nous. Nous avons confiance que tu nous écoutes. Et que tu nous exauces. Et tu nous délivres de toutes les batailles. Et tu apportes ton soutien indéfectible. Car au-delà de toi, il n'y a personne. Au-dessus de toi, il n'y a rien, Seigneur. C'est toi le suprême. C'est toi le souverain. C'est toi le meilleur. C'est toi le sublime. C'est toi le parfait. C'est toi le miraculeux. C'est toi le prodigieux. C'est toi le surnaturel, tu es le merveilleux. Ton nom soit adoré et que ta parole soit prêchée. Inspire chacun de nous à être connecté au Saint-Esprit de vérité et recevoir la substance divine qui nourrit l'âme et protège du mal. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions et nous t'adorons ici. Amen. Nous allons à lire la parole du Seigneur dans sa grâce. Job chapitre 14. Nous prenons le verset 1 à 5. L'homme né de la femme, sa vie est courte, sans cesse agitée. Il est né, il est coupé comme une fleur, il fuit et disparaît comme une ombre. Et c'est sur lui que tu as l'œil ouvert. Et tu me fais aller en justice avec toi. Comment d'un être souillé sortira-t-il un homme pur? Il n'en fait sortir aucun. Si ces jours sont fixés, si tu as compté ces mois, si tu en as marqué le terme qui ne saurait franchir. Moto oyo abotami na mwasi, azale na mikolo mingi te mpe atondi na mpasi. Akobima lokola folele mpe akokauka. Akolima lokola muli, molili mpe akoumela te. Yo okozipola kamiso na yo likolo na lolengo oyo okoyeisa ngai na esambelelo elongo na yo nani akolonga kobimisa eloko na peto kati na eloko na mbindo moko te mpo ete likolo na ye etangami mutuya mutuya na sanza na ye ezali epai na yo yo osilinde kotia ndelo ikoki na ye koleka te. Ecclésiaste chapitre 8 le verset 8. Mosakoli l'homme ne peut mettre de son souffle pour pouvoir le retenir, et il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. Il n'y a point de délivrance dans ce combat, et la méchanceté ne saurait sauver le méchant. Motote azali na bokonzi likolo na molimo ete akanga molimo azali pe na bokonzi na mokolo na kufate. Akolonga mana etumba oyo ezali tempe mabe ekobikisa kateba oyo bakosalaka yango. Luc chapitre 12 verset 39. Luka mukapo ya zomi na mibale mulongo ya 13 na libwa. Nous lisons enfin ceci. Nasuka tukotanga boyi. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Nde boye baboye ete soko bokolo na ndako ayebaki tango na koya na muyibi mbe atiki ndako na ye kobuka na te. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Zambe apambola botengelo bana ye. Veuillez vous asseoir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Notre Sauveur. Obikisi na biso. Bienvenue à la table du Seigneur. Oui, madame, on a mis ça en colo. Et que la grâce de Dieu repose sur chaque cœur croyant. Puisse chacun de nous saisir la présence de Dieu. Saisir l'occasion devant lui pour communier avec lui et recevoir les bénédictions promises. Les bénédictions promises aux rachetés. Nous poursuivons notre combat. Un combat scripturaire contre la mort prématurée. Nous combattons également contre toutes les injustices, contre tout démon et tout péché. Mais parce que le diable a conçu quelque chose de très méchant, voulant nous endeuiller, alors que ce n'était pas le plan et la volonté de Dieu, nous avons dit non. Et la parole nous a donné le droit de résister au diable avec une foi ferme. Et pour conséquence, il fuira loin de nous. C'est la promesse infaillible de Dieu. Si tu ne la connaissais pas, connais-la. Il faut lui résister. J'avais lu ce passage le dimanche de la semaine écoulée, la semaine avant, pour montrer le contexte de l'inspiration qui a frappé l'Église. Dans 1 Pierre chapitre 5, le verset 8 et 9. Soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Bola la pongite. Motele melina bino oyo yamabe. Nazalile kotambo na lokola nkosi kongulumaka. Oluka luka kasoko akolia kanani. Motele mela ye ngui pona kongima. Boyeba ete mpasi na motindo moko penza ezali kobimela bande konabino na bipai mususu na moki. Le fondement de l'inspiration qui a frappé l'Église. C'est ça. Il rôde, mais nous devons le résister avec une foi ferme. Et le même évangile de Dieu nous dit dans Jacques chapitre 5, ou qu'est-ce que vous avez dit? Jacques chapitre 4, le verset 7, soumettez-vous donc à Dieu. Amen. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Lui qui doit fuir. Fuir veut dire il doit rencontrer une puissance foudroyante. Une résistance impitoyable. Dans les rangs de combattants de la foi. Ils ont pris position pour ce qui est juste. Ils ont pris position pour la volonté de Dieu, leur Père. Ils ont pris conscience de l'identité que Dieu leur a conférée. Ils font pas semblant de combattre, mais ils combattent réellement. Ils ne se battent pas contre de l'air ou de manière imaginaire, mais ils combattent sur des bases solides. Avec des armes réelles que Dieu leur a données. Il faut que dans les rangs de ceux-là, Satan qui a toujours osé puisse rencontrer une résistance impitoyable. Des hommes et des femmes de guerre chrétienne, des combattants spirituels qui ont pris conscience de leur identité spirituelle, de ce que Dieu a fait d'eux. Ils savent que pour eux, vaincre est un devoir. Et c'est une obligation non négociable. Vaincre le péché, vaincre l'incrédulité, vaincre la mort, vaincre la tombe, vaincre l'enfer, vaincre l'incrédulité, les doutes, vaincre la peur, vaincre les inquiétudes, vaincre les soucis, vaincre les pensées charnelles, vaincre tout ce qui est faux, vaincre tout péché, vaincre tout le monde. C'est une obligation pour nous. Ce n'est pas à négocier. Ce n'est pas à négocier. Si nous pouvons essayer de donner la passe, bon, encaisser et accepter que c'est une bonne chose. Pas question. Bon, nous n'avons même pas 2 pouces de terrain à donner au diable. Et mon ordre du Seigneur, c'est résister lui. Quelles que soient ses supplications, résistez-lui. C'est ça la parole. Résistez-lui. Rien que ça. Dans Ephésiens 4, la parole a dit ceci, verset 27, et ne donnez pas accès au diable. Et c'est effectivement. Il n'accède à rien dans ta maison. Il n'accède à rien dans ta vie personnelle. Il n'accède à rien dans ta famille. Il n'accède à rien dans ta vie personnelle. Il n'accède à rien dans ton couple. Il n'accède à rien dans cette église. On lui donne aucun accès. Quand nous disons non, ça veut dire non. Nous ne faisons pas semblant, nous sommes sérieux. Non, c'est dire non. S'il est têtu pour ne pas écouter, nous répéterons ce nom jusqu'à ce qu'il entende. Oh, quel beau jour, jour de mon choix, lumière faite, joie ineffable, au Fils de Dieu, Saint adorable, à Jésus jeune, donnez mon cœur. Quel beau jour, quel beau jour, quand Jésus, oh, t'a mes péchés, il m'a pris à veiller prier. Et vivre chaque jour dans la joie. Oui, quel beau jour, quand Jésus, oh, ôta mes péchés, il m'a pris à veiller prier. Et vivre chaque jour dans la joie. Oh oui, quel beau jour, quand Jésus ôta mes péchés. Je suis bénéficiaire d'un salut gratuit. Lui a payé tout le prix exigé. Et il m'a appris à veiller et à prier. Pécheur, je voudrais te sauver, je voudrais te guérir, mais voilà, je l'ai déjà fait. Je t'ai guéri par ces meurtrissures, je t'ai sauvé par mon sang. Et ta foi t'a sauvé. Maintenant, il t'apprend à veiller et à prier. Veillez et priez contre un adversaire malveillant. Rusé, astucieux, insolent. Luc 21, verset 36. C'est le Seigneur qui l'ordonne. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Veillez et priez en tout temps. Nous devons le faire. C'est tout maintenant que nous apprenons que la mort prématurée est un voleur qualifié. Il peut visiter les individus, les familles, les couples, les clans, et faire des dégâts, endeuiller les gens. La mort prématurée est un voleur qualifié. Et il peut venir comme un voleur. Il vient pour voler vos jours, les restes de vos jours sur terre. Il sait que Dieu vous a donné le droit de vivre longtemps. Mais par jalousie et par méchanceté. Je sais comment ces gaillards ici vivent. C'est des plats, c'est des amis. Je connais ses faiblesses, c'est des bons. D'ailleurs, il ne plaît pas à son Dieu. Je connais là où il nous fait plaisir, nous, le royaume des ténèbres. Quand il va là-bas visiter Samakangu, quand il commence à écrire des petites bêtises à sa copine ou à son copain, nous sommes à Dieu. Pourquoi les laisser vivre tous les jours? Parce que parfois il nous dérange aussi. Il dérange nos programmes. Quand nous voulons aller opérer, lui il est là en train de payer et prier. Il programme une veille de prière. Et du coup, le quartier est sous son contrôle spirituellement. Et nous voulons même frapper un voisin, mais à cause de lui, le voisin est épargné. Pourquoi vous êtes un type barré qui travaille avec son sauveur là? Son soi-disant sauveur. Pourquoi laisser continuer à nous déranger? Déranger nos programmes. Il fait du bruit, par quoi? C'est bon été. Essayons. Alors, ils viennent là. Mais ça le coyote. Simba le voit. Au moins, il y a. Là où il parle. Quand il est sorti, il n'a même pas prié. Ah, Abinier, il a oublié de prier. Il était très pressé. Il a dit la monde. Quand il est allé dormir. Nous étions là, non? Tu as dit. Même pas un mot de prière. Le bon côté, le bon. Il s'est assis comme s'il voulait prier. Et l'un de nous lui a donné un gros sommeil. Un type pareil. Et puis après il va se ressaisir à 2h30. Il commence à faire du bruit. Ça fait. Et quand nous voulons opérer, lui nous dérange. Il dérange nos plans, nos programmes. Pourquoi laisser un type comme ça? Pendant qu'il n'est pas parfait. Allez, essayez-vous. Venez avec l'épée. Alors toi tu tiens la flèche. Toi tu prends un fouet. Il faut chicoter sa poitrine. Frappez sur la tête, il est prêt. Frappez son dos là-bas, j'ai des mots de dos. Pendant que tu dors. Tu ne comprends pas une douleur ici au genou? Non. Ce sont les tiens, pas sur la les dos, ils n'arrivent pas à résister. Ils ont fait leur travail nuitamment. Et maintenant quand tu commences à te demander qu'est-ce que c'est. Quel traitement je peux prendre? Voilà, il n'a même pas la foi. Mais quand vous avez opération pour tout le monde, même à ta côté, il paraît qu'il parle de maîtriser, il ne sait pas de cet aventurier, là, Jésus. Il paraît qu'il parle de maîtriser, là, lui, il ne peut même pas ça. Mais il est juste comme le reste des gens, il cherche des calmes. Il parle même pas son Dieu. Un type comme ça, on va les laisser autour de nous de la vie pour rien. Parce que nous, on est pas convaincu des choses là. Alors, cette fois-ci, on va les préserver. Dès qu'il essaye seulement de dormir, mais voilà la allez, serre le nez. Dans la zone. Il ne respire pas. Ah, qu'est-ce que c'est, Seigneur? Mon Dieu, c'est quoi ça? Et au lieu de prier, on commence à se poser des questions. Mais c'est quelque chose de la manière comme il tourne en peut-être qu'il n'y a pas de membres de famille. J'ai toujours appris qu'il a sorcellerie dans ma famille. On ne m'a pas collé vraiment quelqu'un qui me file partout. Lui, il a pour travail de venir m'étrangler le nez. Alors, les démons se frottent les mains. Voilà, il n'a rien, il faut rien. Il n'a rien en lui. Et comment il analyse? Allah n'a rien. Aucune référence à la parole. Il est juste comme son cousin là-bas. Qui est dans les Maïkaris. Il est comme l'autre là-bas qui est dans le bouddhisme. Il n'y a pas de différence. Même Lucifer lui-même. Il faut se comprendre, même si on peut le faire, on fait de notre propre courage, on va lui donner le rapport. Mais si on va lui dire, et puis il va dire, mais vous qui vous avez autorisé. Oh, mais nous cherchons les grâces. Vous allez voir si nous sommes des vaillants soldats ou non. Vous voyez que nous sommes des terrains, on n'attend pas que les ordres. Parce que les ordres peuvent des fois venir en état ou être mal donnés. Nous vous disons que tel, on l'a éliminé à cause de ça et ça. Est-ce que c'est contraire à ce projet? Mais si fait, bon, je vous comprends. Et la prochaine fois qu'il va distribuer les grades dans son royaume, les ténèbres, bon, c'est lui-là qui était chef de deux esprits. Bon, il l'établit chef de 8 esprits malins. Il y a encore d'autres esprits mauvais qui seront à tes ordres. Tu as la promotion. Et si tu fais encore du bon travail, tu deviendras un lieutenant. Et si tu continues encore, tu vas devenir un général. Et donc le gaillard continue à causer des dégâts, participer sur les grades de la main de l'éternel. Donc il vient sous forme d'un esprit de douleur dans le corps, et il ne veut pas quitter. Quand tu vas prier, démon de douleur sort. Il était testé. Est-ce qu'il croit même ce qu'il dit? Il te souffle juste d'un souffle démoniaque, hein? C'est sans effet. Tu n'as pas encore l'onction maintenant pour faire ça. Alors, tu as la femme. Là, je n'ai pas la mité pour la gomme de mon ami. Toi, tu essayes encore. Démon de douleur, sort! Mais quelque chose qui murmure. Non, tu n'es pas assez consacré pour faire ça. Yo, non, mais quand même, quand tu pour être obéi. Dieu ne t'a pas encore donné l'onction. Tu peux se faire que ça puisse marcher. Oui, tu crois ça, les théories, on le sait. Qu'est-ce que tu penses, Ro? Oh, je pense que le Saint-Esprit m'éclaire. Hein? Donc, il m'aide à ne pas continuer. Comme ça, je vais d'abord faire un jeûne de 7 jours. Et je fais ici, c'est que j'aurai assez de consécration et d'onction. Comme ça, je vais essayer encore. Tu commences le jeûne de 7 jours. Au deuxième jour, tu as une faim insupportable. Au coquipété, au tigipé, au bossignos. Tout est parti. Et tu cherches des solutions. De comprendre mal avec ce qu'on a qui mungongo moko le belio l'andela na makumi ce qu'on monte est mungongo makambo le belio na makumi et kokanite boaki sa mungongo. Quand un truc vient comme ça, ça vous dit quoi? Bon, oh non, écoutez, tu n'as pas encore reçu l'onction pour ça. Non, j'étais pas quoi, mais pour ça, la Bible dit, elle dit que celui qui nous a ouais, c'est Dieu. Je n'ai pas à attendre un jeûne de 7 jours. Je dois croire la parole écrite et savoir que Dieu l'a déjà fait. Même si je ne sens rien, je dois croire ce que la Bible a dit. N'allez pas dans des illusions. Mes chers amis, nous n'entrons pas dans des histoires inutiles, hein. Comme il y a trop de vagues de démons maintenant, hein. Dans le milieu du message. Kati, avez-vous déjà vu un tel réveil des esprits, des démons et des mensonges? C'est juste pendant que Dieu venait de vous édifier ici contre tout vent des doctrines. Dieu venait une église établie. Nous, nous avons prêché ça selon la conduite que Dieu donnait. Mais regardez ce qui se passe à la minute de message. Des débats houleux entre les frères. Un prédicateur est allé même dire, il aime Branham plus que Jésus, et puis il dit, je vais choper quelqu'un. Est-ce que le prédicateur a pour mission de choper ou d'édifier? Alors, toutes ces histoires qu'on raconte librement du haut de la chair, on ne sait même pas, on est qui et on fait quoi? Et c'est dans le milieu du message. Jokande biloko nyonso ezali kosalema wana bayebi te soki tozali banani mpe kosala nini jokande nyonso yango ezali bobele kati na sango biso tondimeki na motei moko koloba dio j'ai vu une petite vidéo là namoni moi bililingi ils ont mis dans TikTok batia yango soki na TikTok comme ils aiment toujours la mode les esprits de mode et tout lokola balingaka milimo oyo ya lolenga ya mikolo et c'est la prière d'un branamiste et libondeli ya moti ya branam Seigneur William Branham notre Dieu. Nous te remercions pour cette émission que tu nous donnes ici sur ce plateau. Oh Dieu William Branham. Oh Zambi William Aron Branham. Et l'ongi mouyindu, le col est kala. Et puis il dit des choses, il fait une prière, il est déjà assis là, autour de lui. Mais, quel genre de réveil comme ça? Maintenant. Les uns s'élèvent, calomnie Branham, librement, les autres viennent. Bah, voici que Babylone. Et puis, ils sont en train de s'agiter. Bah, tu vas aller au Tungisama, vas aller au Lobaloba. Toutes sortes de vains et mensonges. Mais Pépé, il y a l'olenga, il y a l'olenga, tenez-vous tranquille et sachez que Dieu reste Dieu. Amen. Il veut une église établie. Établie dans la foi et la vérité. N'écoutez aucun vent. Ne prenez aucune chose nouvelle. Il n'y a pas à faire débat entre Branham et Jésus. Un pasteur vient, il fait une histoire là, Jésus ou rien. Il s'affiche comme ça avec son enfant à côté. Et puis les autres disent, Branham ou rien. Comme ça qu'il réplique. Yes. Le banda yeso le komokote. Ba mususu pe bazomusile. Le banda Branham pe mutu azati. Et tout ça c'est dans le milieu du message. Nyonso yo ezali bato ba nimeli sango ne bazali ko benda. C'est le même démon qui vient maintenant ici pour voler quelques-uns. Ah, kati bango comme ça. Bango nyonso. To petit coucou na fausse doctrine ba même ami. To ya au fausse que moi côté zate résistance des awa. Le petit là David là il résiste. Bon, tout ça la nini. Po to buka yema peka. To boto la ta 3. 5. Église au Kanga Magam Balamoko. C'est pas pour lui, Bibitam. Comment l'église va tout le temps Balamoko? Ah! Mais tout le monde va fuir. Vous voyez ça? Miséricorde. Bawa. On dit non à la fausse doctrine. C'est le manico. Nous disons encore non à la mort prématurée. Pour lui, il fait ma cambo mouton koufa na poissao. Tu y as pierre. Et c'est le ferron que je bâtirai mon église. Vous allez péter la colonne, les bangos, la colonne. Les portes et les séjours de mort, les prévaudus en précoce. Pour qu'elle n'ait pas la colonne, le Seigneur l'a dit et ça demeure actualité. Nous avons un sauveur qui nous apprend à veiller et prier. On ne lui permettra pas de voler même deux jours de notre vie sur terre. Même deux jours, pas question. Parce que nous avons la promesse. En tant qu'adorateur du Dieu vivant, Exode chapitre 23, verset 25 à 27. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu. Et il bénira votre pain et vos eaux. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. La promesse. Bokosale la yawe nzambe nabino. Pe na kopambola biloko nabino. Bokosanzo la ye pe bokosale la ye. Exode 23, verset 25. Bokosale la yawe nzambe nabino mpe ngai na kopambola. Lipa na binona mai, mpe na kolongola malali na kati na yo. Très bien. Votre pain à vous est béni. Lipa oyo ya binona na epambolami. Vos eaux à vous chez vous sont bénis. Mai oyo pa na binona penza epambolami. À cause du culte que vous rendez à votre Dieu. Vous me répondez le sang boko sambele la kanza mbe na bino. Il a donné la promesse, j'éloignerai la maladie. Des milliers de toi. Qu'il les fasse des milliers de tabernacles chrétiens. Maladie, dehors. Nous disons non à la maladie. Et à l'esprit des maladies. Et à l'esprit maladie. Maladie, moi, mon livre, moi, je connais ma carte maladie. Dieu veut que tu sois en bonne santé. Non, mais il y a quelque chose à l'envoi de ce que l'on veut. C'est là sa volonté. C'est là l'héritage. Et de tous les jours. Les maladies passent. Je couvre toi, ressaisis toi, frère, sœur. Oh, maladie chronique, maladie n'engage. Je dois dire qu'il va éloigner la maladie du milieu. Il ne doit pas y avoir parmi nous des gens qui soient chroniquement connus malades. Esprit de maladie, tu as personne à la poche, tu as un soldat à la croix pour combattre et donner des coups à l'ennemi. On a fait des choses la mongouna. Que celui qui a peur soit délivré de la peur. Tu avais peur de ta maladie et tu le voyais comme un géant insurmontable, invincible. Je te dis que c'est juste selon ma paiement. Sinon, mon gars, vous pouvez mettre le paiement. Sinon, mets seulement la pression sur la promesse ici. Amen. C'est comme moi, Renango. Tous les gonflements partis. Il n'y a rien dedans. C'est un ballon d'air. Très fragile comme papa. Ne craignez aucune maladie. Car votre Dieu Jéhovah Rapha, il est celui qui guérit toutes tes maladies. Il guérit. Il donne la vigueur et la force, lui Dieu. Élie 1:26. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, voilà, ni femme stérile. Amen. Je remplirai le nombre de tes jours. Amen. Amen. Moi, si pas de femmes qui avortent parmi nous. Dieu l'a tiré pour le tabernacle chrétien. Vous avez peur? Dieu l'a tiré pour le tabernacle chrétien. A-t-il confirmé cette promesse? Il n'y aura pas de femmes qui avortent parmi nous. Ou de femmes stériles. Neutralisation totale. On ne recule devant rien. Quelle que soit la durée de la nuit, le soleil va se lever. Même si la bataille est longue, la victoire appartient à l'Éternel fermé. C'est nous que Dieu le fait. Nous allons conquérir pas à pas. Même si tu as ça, au moment où on dit ça, quelqu'un parmi nous est malade. Mais ça dit, tenez-vous tranquille. Nous venons de lancer l'offensive là-bas aussi. On attaque l'esprit de mort prématuré, on attaque aussi l'esprit maladif. Même si tu sens qu'il y a encore quelqu'un, Akuna Matata, tiens-toi tranquille. Les zombies vont se multiplier là-bas. Nous allons tirer, tirer. C'est l'ennemi qui doit fuir le genou. Dieu nous a dit ça. Nous sommes conscients de l'identité que nous avons. Amen. Il n'y a pas de problème que Dieu soit incapable de résoudre. Quel que soit ce qu'il y a, tant que c'est contre la promesse, continuons à nier ça. La promesse ressuscitera. C'est ce que nous voulons chaque jour. Je remplirai le nombre de tes jours. Et s'il arrive que cet esprit de mort ne t'atteigne pas toi, mais qu'il se répercute sur tes enfants. Oh, écoute encore ce que le message nous dit. Et qu'il ait fait cette chose-là pour voler un enfant ou emporter ceci ou cela. To asali loko yango pona kuliba mwana moko to asala likambo sokolo to mpaka. Mes chers amis, tenez-vous tranquille. Et c'est bien ngai ko vande ndeki. Dans les sermons expectatifs. Na liteya motema de bidi bona. Du 28 février 1954. Ya mukolo tukumbele na motoba sanza mi bale mubu ya koto moko kama libo to mitana. Le paragraphe 100e. Et c'est la kotanga ya mokama. L'expectative. Motema de bidi bona. En effet. Lors de cette grande résurrection. Tous les yeux deviendront des jeunes pour toujours. Il y a une grande résurrection qui vient. À cette occasion-là, tous les yeux deviendront des jeunes pour toujours. Que vous fera alors la mort? La mort aura disparu. À cette résurrection qui vient. Et ce que la vie représentait pour vous, quand vous étiez un jeune homme ou une jeune femme, c'est ce que vous serez lors de la résurrection. Oh, vous qui avez perdu ces petits enfants là-bas. Peut-être que de façon prématurée, ou je ne sais comment, ils seront là dans la résurrection. Amen. Qui peut dire amen à la amen. Ah, il est parti tôt. J'aurais voulu le voir. J'aurais voulu la voir. J'aurais voulu l'élever. Il est parti, mais je ne sais pas trop comment et tout. Il m'a échappé. Tiens-toi tranquille. Il sera dans la résurrection. Hein? Oui. Il sera là dans la résurrection. Est-il quelqu'un pour croire ça? Amen. Ou vous pensez que c'est dit pour quelqu'un d'autre? Mais c'est dit pour vous qui êtes dans ces cas. Amen. Il sera là dans la résurrection. Amen. Jésus vient bientôt. Ne voudriez-vous pas venir maintenant vous apprêter? Vous préparez à faire face à ce grand événement qui est sur le point d'arriver? Voudriez-vous venir maintenant? Pendant que les travailleurs indépendants s'avancent, s'ils le veulent bien autour de l'hôtel avec ces gens. À tous égards, nous ne sommes pas des perdants. Dieu fait en sorte que vous gagnez toujours. Il veillera à ce que sa parole ait raison dans votre foi. Vous n'êtes pas perdant. Mais vous êtes le grand gagnant. Car nous n'espérons pas en Dieu seulement sous le soleil, mais même dans l'au-delà. Vous avez perdu ces petits enfants là. Peut-être de façon prématurée ou je ne sais comment. Ces petits-là seront dans la résurrection. Avec vous. Vous n'avez rien perdu. C'est ainsi que vous ne devez pas vous affliger outre mesure. Pleurer et raisonner indéfiniment. Ça ne sert à rien. Vous avez un Dieu qui console. Un Dieu qui conduit les pas de ses fidèles. Un Dieu qui comble le vide qu'il y a à nous. Il sert où il nous mène. Ayons foi dans ses promesses. Poursuivons ici dans Exode 23. Verset 27. J'enverrai ma terreur devant toi. Et je mettrai en déroute tout le peuple chez lequel tu arriveras. Et je ferai tourner le dos devant toi à tous tes ennemis. Amen. À toi, le Seigneur apprend à résister au diable avec une foi ferme. Résistez-lui et il fuira loin de vous. Dieu t'apprend à résister. Mais lui-même s'engage Allez faire tourner les dos. Dieu fait sa part et toi tu fais ta part. Quand il essaye d'avancer, il vient pour l'attaquer, il essaye de foncer, toi tu dois résister. Et Dieu leur fera tourner les dos devant toi. Et ce moment, les soldats ont tiré. Après un moment, et toi, tu es là en train de regarder la scène. Quand tu ne paniques pas, tu ne fuis pas, tu gardes ta position. Et lui, tire. Il sera bon que ça ne fait pas du mal. Alors, osamu ton kaka. Donc, tu es quelqu'un d'une autre espèce. Vous allez me dire, ah, ça, c'est pas habituel, ça. Oui, ah, mais ça ne peut pas continuer comme ça. Il risque de me surprendre. Avant qu'il ne m'attrape, laisse-moi fuir déjà. C'est lui-même. Non, mais c'est Dieu qui lui fait tourner les dos. J'aime vivre la confirmation de la parole de Dieu. Quand Dieu confirme ses promesses, c'est vraiment merveilleux. Gloire à son Seigneur. Il est en train d'agir. Il est Dieu illimité. Voyez ça? J'enverrai ma terreur devant toi. Et je mettrai en déroute tout le peuple chez lequel tu arriveras. Et je ferai tourner les dos devant toi à tous tes ennemis. Dieu l'a promis, il le fera. Il n'oublie aucune de ses promesses. Il n'oublie aucune parole d'alliance. Au contraire sur elle pour les exécuter. Notre Dieu vivant. Notre Dieu fidèle et véritable. Oh, quel privilège de l'avoir. C'est indispensable. Alors en marchant avec lui, laissons tomber tout doute. Et l'incrédulité. Ayons vraiment foi dans le Dieu vivant. Voyez, ayons vraiment foi en lui. Parce que les doutes, c'est la cause de tous ces affaiblissements que nous voyons. De toutes ces situations désagréables que nous voyons. C'est de l'incrédulité au jardin d'Éden. Et dans les sermons, écoutez-les. Prêché le 11 juillet 1962, paragraphe 5, revenant ici. Aujourd'hui, nous voyons des endroits, des églises, des organisations et autres qui commencent à s'affaiblir encore. Après ce grand réveil avec lequel nous avons simplement eu à balayer le pays, nous trouvons là qu'ils ajoutent un peu ici. Voilà ce qu'ils font pour s'affaiblir. Ils ajoutent un peu ici ou qu'ils retranchent un peu là-bas dans la parole. Ils ajoutent un peu ici. Ou ils retranchent un peu là-bas. Ou quelque chose par ici. Cela ne peut simplement pas marcher. Cela ne marchera jamais. Dieu ne laissera pas cela marcher. Nous devons garder toute la parole. Garde l'évangile dans son intégralité. Sans rien déformer, ni ajouter, ni retrancher. Et aimons expérimenter la confirmation de la parole. Et rappelez-vous bien. Chaque personne malade qui est assise ici ce soir. Vous savez pourquoi vous êtes ici? Pourquoi vous êtes malade? C'est qu'une personne avait simplement douté d'une petite moitié d'une phrase de la parole de Dieu. Et Même pas de toute la parole. Une petite moitié de la parole de Dieu. Une petite moitié d'une phrase de la parole de Dieu. Quelqu'un a douté et voilà la maladie est venue. Rien qu'une parole simplement mal interprétée. C'est ce qui vous a rendu malade. C'est ce qui est à la base de chaque cimetière. On appelle une nécropole où vous semez de quoi? Où le ciel est de bien-aimé. Je ne sais pas comment on va appeler ça, c'est très grave. Ce sont les conséquences du péché qui ont produit chaque cimetière, qu'il soit moderne ou archaïque. Ce qui est à la base de chaque cimetière, c'est doute là d'une personne envers la moitié d'une phrase de la parole de Dieu. Pensons-y un peu sérieusement. Une seule personne a douté, n'a pas cru comme il se doit. La moitié d'une phrase de la parole de Dieu. Et parce que cette personne a fait ça, c'est ce qui a amené la multitude de maladies qu'on a. Et ce qui a amené chaque cimetière que nous pouvons déplorer. C'est cette incrédulité de cette personne-là qui est à la base de tout ceci. Et c'est ce qui est à la base de toute vieillesse. Dieu nous a pas créé pour vieillir. Mais ça devait être pour vivre pour toujours. On mangeait de l'arbre de vie et on vivait pour toujours. Mais quand ce doute a opéré, cette incrédulité âge, nous avons des maladies, des cimetières et même la vieillesse. C'est ce qui est à la base de toute mort prématurée d'enfants. C'est cette incrédulité du commencement qui est à la base de toute mort prématurée d'enfants. C'est ce petit là qui parle prématurément. La cause, c'est cette incrédulité du départ. Les doutes là, c'est la personne qui avait été douté de la moitié d'une seule phrase de la parole de Dieu. On continue à dénombrer, à compter des petits enfants qui meurent prématurément. Sans accomplir les jours. Sans totaliser les années de vie sur terre. Cela est dû à ces doutes-là qu'une personne a eu au commencement envers la moitié d'une phrase de la parole de Dieu. Quand tu comprends ça sérieusement, tu dois détester l'incrédulité. Il faut détester tout doute. Et faire ce que Dieu a dit, soumettez-vous à Dieu. Dieu traite avec nous au moyen de sa parole. Nous ne pouvons pas nous soumettre à Dieu de manière imaginaire. Nous nous soumettons à Dieu quand nous nous soumettons à sa parole. Quand nous préférons faire ce que lui nous demande de faire. Quand nous choisissons avec joie d'accomplir sa volonté. C'est ce que Dieu attend de chacun de nous. Soumettez-vous à Dieu. Le diable viendra avec des propositions. Mirobolantes. Rayonnantes. Florissantes. Attrayantes. Mais la Bible a dit, résistez-lui. Et il fuira rendez-vous. Toutes les propositions sataniques sont mauvaises. Toutes les cartes qu'il abat sont mauvaises. Nous n'avons ni confiance à l'ouvrir ce ni du temps à perdre avec lui. Dieu nous a interdit de lui donner accès. Il est Satan, il est mauvais. Il est le diable, il est mauvais. Il est Satan, c'est un mauvais. Il est le maître de l'incrédulité. Alors nous n'avons pas de temps à perdre là-bas. Résistez-lui. Soumettez-vous d'abord à Dieu. Et dans votre position de fermeté soumis à Dieu. Résistez au diable. Et le diable fera loin de vous. C'est la parole qui nous apprend ces choses. S'il vous plaît, retenons et pratiquons. Cessons d'être superficiels. Soyons profonds avec nous. Ces doutes-là qui étaient là au commencement. C'est ce qui est à la base de toute mort prématurée d'enfants. Combien de familles dans le monde sont-elles concernées par ce fléau? Depuis le temps d'Adam jusqu'à présent. En passant par le temps de chaque prophète. Tous les différents âges. Et jusqu'à présent, il y a des familles qui continuent à dénombrer des enfants qui meurent prématurément. On semble trouver une raison médicale ici, on semble trouver une raison scientifique là-bas. Mais la cause spirituelle de ce fléau. Et les enfants qui meurent sans toi les années. C'est ce doute-là, cette incrédulité du départ. Même la possibilité de vivre pour toujours est tellement écartée que finalement même la possibilité de totaliser les années de vie que Dieu a inscrit pour cet enfant, elle devient encore opprimée. Na bongo nzela ya kobikaka libele na libele ezali lisusu te ataku kobika mikolo onzambe asili kobikisela kimwana yango ezali lisusu te. Comme c'est écrit dans le psaume 139 ici, chaque enfant, avant qu'il ne vienne naître sur terre, tous les jours de sa vie sont écrits dans le livre de Dieu. Et vous le savez, mes chers amis, il a dit, psaume 139, verset 15 et 16, mon corps n'était point caché devant toi. Lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tu sais dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux existe. Missionario, il m'a kingaï nano et salama kingaï te. Nikolo nangai, il komami nyonso na mukanda na yo, yango, il ponamaki mponangai, nano, il komaki mokolo na yango te. Et pendant que ce fléau est universel, le kola, à cause du péché du commencement là-bas, obele pona, toi tu peux regarder ton âge, tu as dépassé l'enfance. Yo tali mibu oza nango le ki bolenge, bomwana. Tu es en vie jusqu'à l'âge adulte. Il y a quelqu'un qui t'a protégé de la mort prématurée. Qui t'a protégé de la mort dans l'enfance. Qu'est-ce que tu lui donnes en retour? Qu'est-ce que tu avais de spécial pour que cette mort prématurée ne t'ait éliminé aussitôt? J'étais un pécheur comme tout le monde. Tu menais ta vie d'incrédulité et de vagabondage. Mais Dieu qui n'a pas voulu te punir comme tu le méritais. Marie sa miséricorde. Il t'a préservé la vie jusqu'à l'âge adulte. Si maintenant tu peux prendre conscience de ça, alors donne-lui tout le reste de ta vie. Comme David avait dit, on l'a lu dans les psaumes 94, n'eût été le secours de l'Éternel, toi tu serais bien vite déjà descendu au séjour du silence, dans la demeure du silence. Parce que tous les enfants là qui meurent avant de totaliser leurs années, c'est la conséquence d'une cause d'un péché, d'un doute historique collé à notre nature humaine. Parce que nous sommes les descendants de ceux qui avaient douté là. Ève, la mère de tous les vivants. Tous ceux qui vivent sont nés de descendants d'Ève. On l'a appelée Ève parce qu'elle était la mère de tous les vivants. Mais par les doutes qu'elle avait eu envers la phrase, un bout de phrase, c'est la parole de Dieu. Elle a livré tous les vivants à mourir prématurément dans l'enfance. Et si quelqu'un atteint l'âge adulte, c'est grâce à la bonté de Dieu. Comme Ézéchias l'a dit dimanche, nous l'avons réussi. C'est grâce à tes bontés, Seigneur, que je respire encore. Non seulement la mort prématurée a voulu le frapper à l'âge adulte, lui qui était le roi, mais Dieu l'en a délivré encore même à l'âge adulte. Les bontés de Dieu sont tellement réelles. Comprenez que votre vie sans Christ est dérisoire. Et le même, il est sur la terre. Il te faut Jésus tout le temps. Il te faut Jésus chaque fois. Donnons-lui nos cœurs et nos vies. Donnons-lui toutes nous. Chers amis, comprenez que Dieu, il est bon. Il ne nous traite pas toujours comme nous méritons. Mais n'abusons jamais de sa bonté. N'abusons jamais de sa grâce de vie. Ne les décevons pas. Par une conduite désordonnée. Une conduite de vie déréglée. Indisciplinée. Mettons de l'ordre dans notre vie tous les jours. Cherchons de conformer à la parole. Comme a dit Frère Branham, mieux vaut blesser les sentiments des hommes que de blesser les sentiments de Jésus. Ne trahissez jamais la parole. Pour rien au monde. Ne trahissez jamais la parole. Faites toujours ce que Dieu vous a appris à faire. Empêchez-vous tout ce que Dieu a interdit. Interdisez-vous tout ce que Dieu a interdit. Comprenez que votre vie ne dépend que de lui. C'est vrai. Avez-vous compris? Mais même à l'âge adulte, oui, là, Dieu a fixé un terme pour la vie de chacun de nous. Des limites précises. Job 14, verset 5. Si ces jours sont fixés, si tu as compté ces mois, si tu en as marqué le terme qu'il ne saurait franchir, Dieu l'a fait. Tous les jours qui sont destinés sont écrits dans son livre. Il a compté ces jours-là à moi aussi. Et il a mis une limite qu'aucun humain ne peut franchir. Donc quand tu meurs à la limite prévue, là, c'est pas la mort prématurée. Là, c'est ta mort naturelle. C'est la mort connue de Dieu. Au jour fixé par lui. Et quand cette mort-là t'arrive, ce jour-là fixé par lui, Nous voyons ici qu'il y a un point de délivrance dans ce combat. Tu peux chasser l'esprit des morts prématurés du matin au soir. L'esprit des morts prématurés ne se reconnaîtra pas dans tes dires parce que ça les concerne, n'est-ce pas? Mais cette mort-là, c'est bien que ça, c'est mon jour, c'est le jour fixé par Dieu. Ecclésiaste 12, verset 8 que nous avons lu ici dit ceci. L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Et il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. Pas sur la mort prématurée, mais sur le jour de la mort. Il n'a pas de puissance. Quand le jour fixé est arrivé, il n'a pas de puissance. Et il n'y a point de délivrance dans ce combat. Et la méchanceté ne saurait sauver les méchants. Parce que vous réalisez à quel point notre vie ici sur terre est comptée. Nos jours sur terre sont comptés. Nos mois sur terre sont comptés. Le seul détient le terme. J'aimerais lire ici dans une version qui les rend comme ça, dans Job là. Dieu tient le terme de notre vie. Il tient ça entre ses mains. C'est lui Dieu qui tient ça. Donc les jours en question de notre départ, c'est Dieu qui tient. Dans la version de Martin, Job 14, verset 5. Les jours de l'homme sont déterminés. Le nombre de ses mois est entre ses mains. C'est pas entre tes mains à toi l'homme. Le nombre de mois de vie que tu passeras ici-bas. C'est pas entre tes mains à toi seul. Tu n'en as pas. C'est entre les mains de Dieu seul. Pensez-y. Alors ne vous croyez pas tout permis. Ne vous donnez pas indéfiniment du temps comme vous voulez. Et vous ne serez qu'ici sous le soleil faisant ceci et faisant cela. C'est lui qui tient le nombre de témoins de vie, c'est pas toi. Ouais, si tu fais ça, tu tuer à Bassanza, comme on a eu. Mais c'est pour Dieu créateur de qui tu es. Qui s'est situé dans ton dernier mois? C'est nous les humains qui allons nous étonner outre mesure. C'est Dieu qui tient le nombre de mots. Même pas Satan. Même pas les sorciers. C'est Dieu qui tient. Satan ne fait que faire de la télépathie. Spéculation et de probabilité mathématique comme il est. Il est trop fort en mathématiques comme ça. De projection de calcul. Ce que je vois ici, cette personne doit avoir encore beaucoup d'années, selon Dieu, doit encore avoir. Je voulais le reste là. Vous savez qu'il meurt déjà. Avant que Dieu ne le protège. Miséricorde. Mais c'est Dieu qui tient nos mois. Fort de ça, il a pu promettre que je remplirai des années de vie sur terre. Je remplirai des jours de vie sur terre. Je remplirai la vie parce qu'il tient les mois de notre vie. Amen. Zambé, alors d'être la copokissa. Alors il est écrit là que les jours de l'homme sont déterminés. Le nombre de ses mois est entre ses mains. Il lui a prescrit ses limites et il ne passera point au-delà. Il ne passera point au-delà. L'Église peut-elle dire amen? Devant l'autorité absolue du Dieu créateur. Qui a pouvoir dire le souffle de vie des humains. n'est pas au pouvoir de l'homme. Et le jour de ta mort, c'est Dieu qui le tient. Mais ça peut venir avant. Et quand ce voleur vient, nous avons le devoir de veiller. Pour le faire tourner les dos. Pour qu'il s'enfuit. Tu as dit amen. C'est un voleur. Mais comme on l'a dit dans Luc chapitre 12 ici. Le Seigneur est merveilleux. Il nous dit, ici au verset 39. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Ne voleur quand il s'approche, si déjà avant de dormir, le propriétaire de la maison sait que non, le voleur a tracé son programme et il s'oblige à venir voler chez moi aujourd'hui à 10h du matin. Ce qui colonne d'accord, ayez été mouillé, à Kaliette et Léon en Gongami Balena, Boutou, mouillé à quoi il y a Bangaï. Pensez-vous qu'il va dormir comme tous les jours? Bon, quand j'ai ta colère, le problème de l'union. Non. Même si le sommeil l'a pris à 20h, il va venir sauter à 21h. Quel est? Ah, c'est pas encore le temps. Et quand il sera encore 22h, non, non, dites-moi sincèrement, va-t-il se permettre de s'étaler encore un peu en attendant que 2h arrivent? Mais il craindra que cette fois-là, le sommeil ne l'emporte plus loin. Au contraire, là, il va sortir même prendre un bain. Et commencer à faire les 100 pas au couloir de Wana. Dès qu'il entend même un jeco qui tombe de son plafond, vous l'entendrez crier, Moïbi! Mais il sera comptable. Oh, c'est pas encore lui. C'est un jeco qui passait par le plafond, qui a raté son pas, qui vient de tomber derrière moi. Et si par mégarde une branche de manguier qui est là-bas dans la cour de la parcelle tombe suite à un petit coup de vent? Lui de son salon criera, voilà! Mais quand il va tirer les rideaux, regarder, dit, oh non, c'est pas encore lui. La branche est tombée d'elle-même, c'était le vent. C'est pas que le voleur était monté sur la branche du manguier, mais c'est un petit vent qui a fait que la branche y a vieilli. Pendant qu'il fait tout ça, si le voleur était même déjà à 100 mètres, comme la nuit, la voix va plus loin que la journée. Donc, il n'est même pas encore arrivé au portail, ni au mur de la maison pour sauter, ni à la fenêtre de la maison, mais il entend déjà dans la maison où il veut aller, quelqu'un qui crie, voleur! Dites-moi, est-ce que le voleur va venir jusqu'à la maison? Donc, il va déjà faire 2 000 tours à partir de 100 mètres là. Il faut un jour me souffrir. Mais comment ce monsieur là? Comment il crie déjà dans le vide? Est-ce que voleur ou peut-être je risque de tomber dans une cascade. Là où je veux aller, j'entends quelqu'un qui rit déjà voler. C'est ce qui se passe maintenant au tabernacle chrétien. Nous n'avons pas un moribond parmi nous. Quelqu'un rongé à l'article de la mort. Même pas le mais voilà que le tabernacle est en train de combattre la mort prématurée. Comprenez-vous ce qu'il y a? Nous n'avons pas un frère qui est au service de réanimation. Nous là-bas. Et qu'il est sur le point de mourir. Mais déjà, on est en train de contrarier. Cet esprit fait demi-tour. Et même s'il voulait donner quelque chose à quelqu'un, donc il perd l'autorité immédiatement. Pourquoi le propriétaire de la maison veille sur la maison. Il ne veut pas que la maison soit percée par le voleur. On n'attend pas les dégâts, on anticipe. On n'attend pas de pleurer, mais nous sommes debout veillants. Gloire et louange à Jésus-Christ. C'est lui qui vient pour écourter la vie des gens. Il est le voleur. Nous n'avons pas de cadeau à lui offrir ici. Notre Seigneur nous a sauvés. C'est lui qui a sauvé cette église. Et il l'a sauvé également de la mort prématurée. Croyez-vous ça? Oh, je ne vous sens pas bien là. Le salut qu'il nous donne est un salut complet. Qui comprend la guérison de vie, qui comprend la sécurité de l'âme, qui comprend la délivrance de toute incrédulité, de tout péché, qui comprend aussi la délivrance de la mort prématurée. Dans le salut que Dieu nous a donné, il y a ça, prenez ça. Je lis dans le sermon, qu'entends-tu Élie? Qu'entends-tu Élie? Du 12 avril 1959. Paragraphe 51. Première partie. Chaque fois dans la Bible, les mots traduits par sauver, c'est sozo. Qui signifie sauver. Commentaire. Sauver physiquement. Sauver physiquement. Sauver spirituellement. Toujours les mêmes mots. Physiquement. Et spirituellement. Toujours les mêmes mots. Ta foi t'a sauvé. Sauver de la maladie. Sauver de la mort. Sauver de la tombe. Sauver de la tombe prématurée. Sauver de la tombe prématurée. Oui. Et sauver de l'enfer démoniaque. Tu es sauvé aussi de ça. De l'enfer démoniaque. Sauvé pour le royaume de Dieu. Assurément. Dieu te sauve physiquement. Il te sauve spirituellement. Il te sauve de la mort. De la maladie. De la tombe. De la tombe prématurée. Il te sauve de l'enfer démoniaque. Mais quand il t'a sauvé de tout ça, c'est pour te placer où? Dans le royaume de Dieu. Garde-toi un fils, une fille de Dieu. Garde-toi un sujet de son propre royaume. C'est ça le salut complet que Dieu nous a donné. Ne serons-nous pas reconnaissants? Non seulement il nous a délivrés de la mort prématurée dans la mort. Pour que tu sois à Dieu est assis ici. Mais il te donne un salut à tout âge. Le salut que Dieu te donne, il te sauve physiquement, spirituellement, il te sauve de la mort, de la maladie, de la tombe elle-même, et de la tombe prématurée. Tu vas même plus agrandir l'enfer quelconque. Car Jésus est ton sauveur. L'auteur d'un salut éternel pour tous ceux qui lui obéissent. Comment ne pas accepter la solution qu'il nous propose? Comment ne pas être fier dans sa voix et boucher les oreilles à tous les bilobés là? Propos décourageants de ceux qui veulent se décourager dans la foi, qui veulent te voir affaibli dans la foi, qui ne veulent pas te voir persévérer dans ce message, amener les troubles et les confusions, ils veulent dénigrer ceci et cela. Ouvre tes oreilles à tous les ondes. Prête oreille à ce que l'Esprit dit dans la salle. La parole de Dieu est celle notre vie. En lui, il a donné un salut complet. Moi là, par la grâce de Dieu, je suis sauvé. Ma foi m'a sauvé. Toi là aussi, par la grâce de Dieu, tu es sauvé. Ta foi t'a sauvé. Même la femme à la porte de sang. Vous savez, cette histoire d'hémorragie, de perte de sang, infernale, qui ne finissait pas. Mais au fait, c'était entretenu par quoi? Par un esprit de mort qui voulait convertir ça à mort, parce qu'avec la perte de sang, vous mourrez à tout moment. Elle n'avait plus l'assurance de vie. On est allé traiter ici, ça n'a pas marché. On a traité là-bas, ça n'a pas marché. Le Bernard dit que quand l'esprit de mort est là en train de rôder, il peut venir entretenir un certain malaise sanitaire dans votre corps et parfois il peut convertir ça en un cancer. Il transforme ça. Ça perdure avec des soucis, les stress. Vous vous questionnez, ça ne va pas. Et tellement vous vous posez trop de questions, ça change même, ça devient un cancer. Pour que vous puissiez vous rendre compte davantage que ça devient incurable. S'il ne veut pas de long chemin là, il vous donne les idées de mort, de préférence de mort, des idées suicidées, des idées de pendaison. C'est le même démon que nous avons dénoncé. Nous, comme nous tombons dans cette église, nous sommes gagnés, nous sommes dans cette examinée. Ce démon a pris corps. Il alimente des idées en lui. À quoi ça sert la vie? Après, tu vois quelqu'un prendre l'épargne ou une ceinture, une mère au cou. C'est le guide par l'esprit de mort, Brématique. Il décide par lui-même de mettre fin à son souffle. Et il meurt comme un lâche. C'est pas chrétien ça. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Si vous détruisez ce corps, Dieu détruira. Dieu vous détruira dans le delà. C'est là où l'esprit de mort prématuré amène des fois les gens vite là-bas pour l'enfer et la perdition. L'enfer démoniaque. L'enfer des tourments. Mes chers amis, ici-bas, vous souffrez. Vous manquez de ceci et de cela. Vous payez pour avoir ceci et cela. Vous décidez de sous un gars, moko, nami pèse à ma tourment, y a ce qu'on a ce qu'on, en mettant fin à cette vie sur terre. Comme si, n'a aussi que ça m'a passé, maintenant que le volant ça m'a passé, il y a sûr une ressource dans l'au-delà. Oui, comment mais là, des siècles et des siècles. Est-ce que je suis effectivement? Quels que soient les problèmes, ne préfère jamais la mort. Alors, le souffle de vie que tu as n'est pas à ton pouvoir. C'est Dieu qui te le donne et c'est lui qui le tient. Ne craque pas sur sa bonté. Lui te donne le souffle, toi tu prends le souffle. La moussa, il souffle de vie. Et tout cela. Je n'en ai plus besoin. Je n'ai marre généralement. Il est insensé. Crache Dieu plutôt. Ne commets pas la bêtise fatale. Sois un humain. Quelles que soient les coups, les douleurs, les chocs résistent. Si ce menteur là s'approche pour commencer à te dire que tu ne trouves pas que la mort vaut mieux que la vie, dis-lui, il est écrit, les lâches n'auront pas de place dans la cité bien-aimée. Les lâches n'ont pas de place. Tous ceux qui se pendent là, qui se suicident, qui prennent la vie de tout, ce sont des lâches. Ils n'ont pas de place dans la nouvelle Jérusalem. Ils n'appelleront pas. Ce sont des candidats de tourments. Ne faites jamais pas. Ne faites jamais pareille chose. Je dois vous conseiller pendant que vous avez la possibilité de m'écouter. Ah. Au lieu de commencer à entendre la voix du pasteur un peu de loin derrière. Et surtout, si vous avez dit que le pasteur a été en train de se faire, on dirait le pasteur David Moutaotéa. Mais ah ouais, il y a un peu de temps. Il y a à Soloba, comédien bigaté. Mais toi, tu as déjà fait ça. Mais tu ne sais plus retourner pour dire, pasteur, priez pour moi. C'est trop tard. Comédien bigaté. Il commence à te prêcher de loin, derrière. Tu entends comme sa voix, on dirait que c'était avec sa tu es déjà dans un circuit où des présentateurs et des esprits sont derrière en train de pousser. Et tu vas t'enfoncer de tourment en tourment. Tu n'en sois pas ici. Et ça, la bonne. Pendant que tu as l'occasion de m'écouter, et tu fais influencer quelque chose dans ta vie, pratique ce commandement. Vivons la parole, acceptons le remède que le Dieu nous propose. Que personne ne choisisse l'affaire de lui-même. Qu'il ne choisisse des tourments infernaux, des tourments de l'au-delà, des tourments. Il y a des belles et des belles. Mais ayons la crainte et l'humilité devant Dieu. Exprimons-lui notre reconnaissance. Chaque fois qu'il nous donne ce souffle, cette force, nous donne la santé, le corps, les mouvements et tout. Faisons le merci, adorons-le abondamment. Que Dieu vous bénisse. Lève-nous pour la prière. Je t'aime pour la commande là. Say

ta main ne pourrait jeter. Loué, loué, pour tout ce que tu as fait pour moi. Agneau, tu as toujours été mon secours. Chaque fois qu'elle est aimée, comme un effort je sais où est lui pour tout ce que tu as fait. Agneau de Dieu, tu as toujours été mon secours. Chaque fois qu'elle est aimée, depuis l'enfant, il t'a secouré. Pour parvenir à l'âge adulte, et Dieu pour la vieillesse. La vie abondante, c'est toi qui donne, Seigneur. Alléluia, ta toujours été mon. Oh, c'est ça, chaque fois qu'elle est aimée. Quand ta main ne faut pas jeter. Oh, louez-vous, tout ce que tu as fait. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Il n'est pas comme le mercenaire qui livre les brebis au danger et à la destruction. Il est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Il y a toujours été mon secours. Quoi qu'elle est arrivée. Comment ne pourrais je t'ai loué, loué, loué, loué. Tout ce que tu as fait. Ah, Maranatha, il y a toujours un secours, à ses coups, comment on le trouver, mon amour, pour tout ce que tu as fait. Oh, alléluia. Je était sans aucune consolation. Tu m'as rempli de ton Saint-Esprit. J'étais prêt à tomber en enfer. Tu m'as montré le chemin du ciel. Alléluia, à la forêté. Oh, alléluia, il y a toujours quelques mots. On sait que chaque fois qu'elle aime, contre tout ennemi. Dieu a fait la promesse. Il leur fera tourner le dos devant nous. Et notre devoir, c'est résister. Veillez être vigilant. Ne pas lui donner accès d'aucune façon. Amen. Dieu nous a sauvés de tout. Physiquement. Nous a sauvé de la maladie. Nous a sauvé de la tombe. Nous a sauvé de la tombe prématurée. Il nous a sauvé de la mort. Il nous a sauvé de l'enfer démoniaque. Et tout ça pour le royaume de Dieu. Est-ce qu'on nous sort célébrer? Nous ne nous livrons plus au diable ni au péché. Veillez et résistez contre tout ennemi, qui qu'il soit, tout ennemi, même la mort prématurée, même ce voleur qui vient là pour voler nos jours, nos mois, nos années de vie, résistez, doit faire demi-tour. Christ est vainqueur. Le cheval est équipé pour la bataille. Et la victoire, la délivrance appartient à l'Éternel des armées. Dieu ne sommeille ni ne dort. Ses promesses sont infaillibles et véritables. Vérifiables, Dieu les confirme encore. Dieu bien-aimé, nous te disons merci maintenant pour ce moment que tu nous accordes. Autour de ton trône, devant le sang de Jésus, amen. Notre bouclier protecteur, amen. Notre source purificatrice, le sang d'Emmanuel, Jésus-Christ le véritable, amen. L'agneau parfait, amen. Prédestiné pour nos âmes, amen. Manifesté à la fin des temps. Amen. Gloire et louange à toi. Amen. Tu as écouté chacun prier. Amen. Tu connais les besoins profonds de chacun. Amen. Nous allons commencer à tirer sur tous les ennemis. Amen. En offensive, en défensive. Amen. Seigneur, donne efficacité à chaque but. À chaque cartouche que tes enfants utilisent. Faisant la pierre de David. Amen. Le caillou qui a terrassé Goliath. Amen. Notre force est en prière, Seigneur. Toi-même, tu nous as appris à veiller et prier. Pour que nous prenions la force de s'appeler à tout ce qui arrivera. Et de paraître debout devant le vide. Soutiens mon frère. Soutiens ma soeur et l'église. Soutiens chacun de nous, Seigneur. Et de toutes nos prières. Disperse les ennemis. Disperse les maladies. Disperse la peur. Disperse les inquiétudes. Taille en pièces les cancers. Taille en pièces les maladies du corps. Même les maladies des caractères. Les maladies des esprits. Taille en pièces les ennemis. Au nom de Jésus-Christ. Prends le devant de la scène. Réduis en ayant la mort pour la tuer. C'est ton bouclier. C'est déployé encore. Sur l'église, afin qu'aucune porte de l'ennemi ne l'emporte sur nous. Nous sommes tes croyants et tes fidèles. Toi, tu es notre Dieu le véritable. Le rempart, le tout-puissant conquérant. Il multiplie nos conquêtes. Nous voulons récupérer chaque pouce de terrain. Pour la louange et l'honneur de Jésus-Christ. Viens nos compagnies sont notre guide. Déverse l'onction de chacun. Déverse ta purification. Déverse ta grâce à chacun de nous. Que nous soyons une armée des adorateurs parmi les vivants pour ton service et ton royaume. Au nom de Jésus-Christ, le Dieu véritable, nous prions ici. Amen. Veuillez vous asseoir. Que la gloire revienne à Dieu.